J'ai retrouvé Titine, Titine, oh ma Titine. J'ai retrouvé Titine que je ne trouvais pas. Je l'ai trouvé par hasard, qui vendait du buvard derrière une vitrine de la gare Saint-Lazare. Je lui ai dit Titine, Titine, oh ma Titine. Je lui ai dit Titine, pourquoi m'avoir quitté? Tu es parti comme ça, sans un geste, sans un mot, voir un film de Charlot au ciné de l'Olympia. Et à 30 ans déjà, nous te cherchions partout, mon hispano et moi, en criant comme des fous. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine, mais j'ai trouvé Titine, Titine, oh ma Titine. J'ai retrouvé Titine que je ne trouvais pas. Je l'avais cherché partout, au Gabon, au Tonkin. Je l'avais cherché en vain, au Chili, au Pérou. Et je lui ai dit, Titine, Titine, oh ma Titine. Et je lui ai dit, Titine, je t'en supplie, reviens. Tu as changé, je sais bien, tu es un peu moins tentante. Puis tu marches comme Chaplin, puis t'es devenue parlante. Mais enfin, c'est mieux que rien quand on vit depuis 30 ans tout seul avec un chien et avec 12 enfants. Qui cherche ta prête Titine, Titine, oh ma Titine. Qui cherche ta prête Titine, mais j'ai trouvé Titine, Titine, oh ma Titine. J'ai retrouvé Titine que je ne trouvais pas. J'aimerais que vous la voyiez, Titine, elle est en or, bien plus que Valentine, bien plus qu'elle est en or. Mais hier, quand je lui ai dit, Titine, oh ma Titine, quand je lui ai dit, Titine, est-ce que tu m'aimes encore? Elle est partie comme ça, sans un geste, sans un mot, voir un film de Charlot au ciné de l'Olympia. Alors, voilà pourquoi nous la recherchons partout, mon hispano et moi, en criant comme des fous. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine, mais je retrouverai Titine, Titine, oh ma Titine. Je retrouverai Titine, et tout ça, ça rangera.